LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. J'aime dire de mon corps qu'il est indocile et inattendu. Je suis Nohanger, chercheuse, autrice et performeuse, Gwyn et handicapée. J'ai souvent l'impression que mon corps handicapé ne doit pas exister, que son existence est illégitime. Comme le corps handicapé est absent des représentations et des espaces publics, on ne s'attend jamais à mon corps, comme le montrent les nombreuses réactions de surprise d'inconnus quand je suis dans le tram ou dans d'autres lieux publics. Et souvent, ça donne lieu à des interactions surréalistes, comme l'autre soir, où, dans un bar, attablé en compagnie d'un ami, je vois accourir un mec qui s'arrête devant moi, s'exclame « Ah ouais !» et repart aussitôt. Handicap, la hiérarchie des vies, par Clémence Alzard et Assia Khalid. Premier épisode, empêchement organisé. Je m'appelle Zig, actuellement je vis à Grenoble, je sais jamais, entre 41 ou 42 ans, entre les deux. Je suis un homme trans, tétraplégique, avec une pathologie neuromusculaire. Donc c'est une pathologie de naissance et qui est, le terme officiel, c'est dégénérative. Du coup, elle évolue. Voilà, je suis plutôt vers la fin du parcours de ma vie. Voilà, grosso modo. Je m'appelle Elena Chamorro, je suis enseignante d'espagnol à l'université d'Aix-Marseille. Est-ce que justement vous vous identifiez ou vous auto-désignez handicapé? Alors maintenant, oui, je me dis personne handicapée, mais j'entends justement handicapé dans son sens passif, le sens passif du terme, c'est-à-dire que je me considère handicapée parce que la société me handicape. Voilà, je suis handicapée par la société, donc c'est en ce sens-là. Et puis justement parce que je pense que c'est une identité qui m'a été coûteuse à acquérir et que je défends, pas pour être essentialisée, mais parce que, elle me place d'une façon particulière dans le monde. Ma culture handi, c'est vraiment ce qui fait que je constate le monde, du coup, avec ses... Zig Blanquer. Tout son rapport de discrimination et... Auteur de Nos existences handi. Et d'oppression aussi, et tout son rapport de devoir s'adapter et de devoir créer des possibles, en fait, qui n'existent pas d'emblée. Et ça, j'estime que ça donne une force, une forme de pouvoir positif, en fait. Alors, je parle pas de la force version, le terme de courage, qui est un terme très charitable, tout ça. Mais pour moi, plus une forme de création, de façon d'exister, de vouloir exister et de chercher comment exister. Après, évidemment, il y a l'autre versant qui est tout un rapport d'oppression. Une vie qui est d'emblée considérée... par la société, par les pouvoirs publics, par un ensemble du vivant comme indigne en fait. Enfin, en tout cas, qui peut être remise en question, qui peut être choisie à la place des personnes concernées, qui peut être niée aussi. Je pense avec tout le rapport d'institutionnalisation en fait. Faut vraiment avoir à l'idée que les personnes handicapées, des personnes avec mon vécu, on est censé être institutionnalisé dès l'enfance. Donc placé dans des institutions? Ouais, tout à fait. A walk in the wind. I just want to be a writer. You make me feel better by just being my friend. And maybe someday we can take a walk. In the wind. Les Grecs inventèrent le mot de stigmate pour désigner des marques corporelles destinées à exposer ce qu'avait d'inhabituel et de détestable le statut moral de la personne ainsi signalée. Ces marques étaient gravées sur le corps, au couteau ou au fer rouge, et proclamaient que celui qui les portait était un esclave, un criminel ou un traître, bref, un individu frappé d'infamie, rituellement impur, et qu'il fallait éviter, surtout dans les espaces publics. Stigmate, Erving Goffman, 1975. Hi, how are you? Every morning he got up. Le handicap concerne environ 12 millions de personnes en France. C'est 20% de la population française. C'est beaucoup. Le savais-je ? En maternelle, j'ai eu une copine, Lily, qui était trisomique. Elle fuguait souvent et je me disais qu'elle avait un sacré cran. Ça me plaisait bien. Un jour, on nous a dit que Lily ne serait plus scolarisée avec nous. Elle serait dans une école, mieux pour elle. Lily a disparu. Dans ma classe, jusqu'à l'université comprise, il n'y a plus eu de personnes handicapées autour de moi. Pas une. Environ 12 millions de personnes handicapées en France. Pourtant, à la rentrée 2019, seuls 1,69% des étudiants et étudiantes étaient en situation de handicap. Les discriminations liées au handicap sont la première cause de saisine du Défenseur des droits en France. Ce travail documentaire fut une succession de chocs. L'ampleur de l'oppression, l'ampleur de mon ignorance. J'ai enfin vu le métro parisien, absolument impraticable, en fauteuil roulant. J'y ai vu les handicapés psychiques, sans abri, pour la plupart non blancs. J'ai appris qu'un enfant autiste qui crie, s'agite, a souvent besoin de bouchons d'oreilles. J'ai appris qu'on stérilisait les femmes handicapées mentales. En pleine pandémie mondiale, j'ai appris le tri. En cas d'engorgement des hôpitaux, un tri pouvait s'opérer selon un score de fragilité clinique, une fragilité notamment pensée en fonction de sa dépendance. Dans une société où les transports, l'espace public, le bâti sont massivement inaccessibles, ce score de fragilité clinique, crypto-eugéniste, m'a effrayé. No one understands you, poor you, poor you. Ça fait plusieurs années que je me désigne comme handicapée parce que... Rizzo Boring. C'est vraiment ma réalité matérielle. Dessinatrice. Administrative aussi. Activiste. Et aussi de lutte et de militantisme. Donc je me dis handicapée, ce qui des fois étonne des gens de ma famille, par exemple. Pour qui handicapé, c'est être un fauteuil roulant ou... Enfin, ils sont toujours étonnés que j'ai la carte de stationnement handicapé, par exemple. Ah, mais ah bon, mais t'as la carte ? Bah oui, en fait, je suis handicapé, mais du coup, oui. En fait, c'est encore difficile d'accepter ça pour les gens qui m'entourent, mais moi, c'est ce que je dis tout le temps. C'est pas un mot qui me dérange particulièrement. Elisa Rojas, avocate. Le fait que je sois une personne handicapée, ça a quand même participé à ma construction et ça fait partie de mon expérience et de mon identité. Mais c'est pas le seul élément constitutif de mon identité, mais ça en fait clairement partie. Donc ça ne me dérange pas de dire que je suis une personne handicapée. Mais ça ne m'empêche pas non plus de savoir que le handicap est une construction sociale et que cette construction, elle est née de la volonté d'un groupe social de exclure un autre groupe social qui n'est pas considéré comme étant conforme à la norme définie par ceux qui ont le pouvoir de la définir. Est-ce que ça veut dire que pour vous, le handicap, il se définit plus justement par rapport à ses caractéristiques sociales que par des caractéristiques médicales, par exemple? Il peut y avoir des réalités médicales. En tout cas, les médecins ont défini eux aussi ce qui était sain, ce qui ne l'était pas, ce qui était normal ou ce qui ne l'était pas. Donc, il peut y avoir en tout cas des diversités d'ordre physique, psychique, sensoriel, fonctionnel, etc., qui sont des réalités. Mais après, la façon dont vous êtes socialement traité, ça c'est autre chose. Et ça relève vraiment de la construction sociale. Et ça explique quand même énormément ce que vivent au quotidien les personnes handicapées. En gros, on peut distinguer trois types de stigmates. En premier lieu, il y a les monstruosités du corps, les diverses difformités. Ensuite, on trouve les tares de caractère qui, aux yeux d'autrui, prennent l'aspect d'un manque de volonté, de passion irrépressible ou antinaturelle, de croyances égarées et rigides, de malhonnêteté, et dont on infère l'existence chez un individu parce que l'on sait qu'il est ou a été, par exemple, mentalement dérangé, emprisonné, drogué, alcoolique, homosexuel, chômeur, suicidaire ou d'extrême gauche. Enfin, il y a les stigmates tribaux, que sont la race, la nationalité et la religion, qui peuvent se transmettre de génération en génération et contaminer également tous les membres d'une famille. Erving Goffman, 1975. Au cours de ce travail documentaire, je me suis souvenu les violences patriarcales et les révoltes contre l'ordre établi qui ont envoyé et envoient parfois encore les femmes en hôpital psychiatrique, les hystériques. Je me suis souvenu les camisoles de force, les électrochocs, les bains d'eau glacée pour les lesbiennes et les homosexuels. Je suis née en 1990, année où l'OMS a retiré des maladies mentales l'homosexualité. J'ai réalisé que les violences, les silences, les réalités innommées ou contestées continuaient de fabriquer des folles, des fous, des psychiatrisés, des suicidés. Ce travail d'apprentissage de réalités sociales autres que la mienne et vis-à-vis desquelles je suis en position de domination était également une nécessaire opération de décentrement, de déplacement. Penser mes impensés, mes biais, mon imaginaire valido-centré, mes cadres normatifs, la symétrie de pouvoir qui me voit en tout instant privilégié vis-à-vis de mes interlocuteurs. Je donne la parole, certes, mais je suis valide. Peut-être même parce que je suis valide, dans une société validiste, et mes interlocuteurs sont en grande partie handicapés. Ce n'est pas un détail. Je pars d'un endroit d'ignorance qui est le fruit d'un rapport de force sociale. Ce rapport de force, qui joue en ma faveur, en faveur des valides, concerne la société dans son ensemble. Il y a environ 12 millions de personnes handicapées en France. Où sont-elles ? Il nous faut écouter les récits de celles et ceux réduits au silence. Il nous faut écouter les voix de résistance. Je me dis qu'il y a des termes dont on devrait se méfier, comme voilà, personne à mobilité réduite, par exemple. J'ai une réflexion maintenant sur ça qui vient de choses que je vis. Et je me dis, quand on dit personne à mobilité réduite, les gens sont. Certains sont très contents parce que ça fait moins. Il n'y a pas la charge d'incapacité, de trucs, de négatifs que peut porter handicapé, enfin, ou qui est perçu par certains. De nouveau, c'est des termes un peu pièges dans la mesure où, quand on dit personne à mobilité réduite, qu'est-ce que les gens comprennent ? C'est que du fait que je suis paraplégique, par exemple, je peux pas marcher. Ma mobilité est donc réduite. C'est la conséquence de ma déficience, entre guillemets. Bon. Mais quand, je ne sais pas, moi, je me suis promenée j'ai une troisième roue motorisée qui me facilite ma mobilité, donc. Et les gens étaient « Ah, c'est génial, ça !» Bon, déjà, on ne sait pas ce qu'il y a derrière pour obtenir cet équipement qui, évidemment, coûte très cher et qu'on n'a pas. Parce que si on le demande à la Sécu ou à la MDPH, comme ça. Mais c'est que, en fait, cette mobilité que j'ai grâce à ça, invalide qui, lui, a une mobilité, plus de possibilités, on va dire, corporelles, hein, de se bouger, a aussi des accès directs, des trottinettes à disposition dans la rue, des bicyclettes, des métros, des bus. Donc, qu'est-ce qui réduit ma mobilité ? Et là, on rentre. C'est l'environnement social. Exactement, dans le modèle social, modèle médical. Donc, par ce petite façon de désigner comme ça, mobilité réduite qu'on adopte et qu'on. En fait, je pense qu'on adhère sans le savoir et si on ne réfléchit pas. Donc, il faut beaucoup se méfier de ce que les termes portent. En fait, si on dit personne à mobilité réduite, on inscrit dans le corps une mobilité qui serait réduite et on met l'accent sur des limites qui seraient vraiment fonctionnelles, propres à l'individu. Or, les mobilités peuvent être réduites par des équipements qui ne sont pas mis à disposition. Oui, ma mobilité a été réduite par l'absence de transport accessible, par l'absence même d'accès direct. Hein. Moi, je sais pas, dans le lieu où je travaille, il y a un chemin direct comme ça, hein, où il faut parcourir 100 mètres pour aller dans les cafétérias. Et moi, j'ai une rampe qui est comme ça, qui zigzague. Et qui m'oblige de faire des détours, voilà, c'est toujours à part, à l'écart. Voilà, il y a une différence, donc il faut faire différemment, il faut construire différemment. Une partie de tes bosses, des beaux parcelles de somnolence, mais de pensée en blanc, de son mort en mort, de mon remords, que je te montre ta mort, de nos talents, c'est de ta tort, de ma tête en or, c'est de ce manor, un autre de l'or, que je te remords en d'or, on dit pas au tort, c'est de mon tort, c'est l'autre tort, au tort, c'est le chronor, tu te donnes de ton chrono, mon cœur, c'est toi que tu le commandes, je te parle de telle télé. Il va de soi que, par définition, nous pensons qu'une personne ayant un stigmate n'est pas tout à fait humaine. Partant de ce postulat, nous pratiquons toutes sortes de discriminations par lesquelles nous réduisons efficacement, même si c'est souvent inconsciemment, les chances de cette personne. Afin d'expliquer son infériorité et de justifier qu'elle représente un danger, nous bâtissons une théorie, une idéologie du stigmate qui sert aussi parfois à rationaliser une animosité fondée sur d'autres différences de classe, par exemple. Nous employons tous les jours des termes désignant spécifiquement un stigmate, tels qu'impotent, bâtard, débile, pour en faire une source d'images et de métaphores sans penser le plus souvent à leur signification première. Erving Goffman, 1975. Vous êtes avocate, Elisa Rojas, et vous tenez ce blog aux marges du palais. Pourquoi il s'appelle comme ça, aux marges du palais ? Il s'appelle comme ça parce que l'ancien palais de justice a à l'entrée des marches impressionnantes. C'est la première chose qu'on voit et qu'en fait, c'est être aux marches du palais. Je pense que c'est la sensation peut-être que beaucoup de personnes handicapées peuvent avoir, pas seulement devant le palais de justice, mais également de façon plus imagée au sein de la société, c'est-à-dire être à l'entrée et ne pas pouvoir accéder dans les mêmes conditions que les autres aux lieux importants que vous souhaitez intégrer. Mais oui, c'était pour mettre en avant évidemment les difficultés structurelles que rencontrent les personnes handicapées, que ce soit en termes d'accès à la justice, mais aussi plus généralement à tout en fait, puisque ça s'applique à tous les aspects de la vie des personnes concernées. J'ai envie de me barrer. Je veux me sauver. Pour aller à la maison. Où vais-je partir ? Je veux sortir dans la cour pour taper. J'ai peur de claquer. C'est rigolo. Là, je suis angoissé. Je suis angoissé quand je vais faire le slam. J'ai peur de balancer les feutres. L'impact, c'est... Voilà, un impact tout bête, par exemple, c'est ne pas pouvoir aller chez ses potes. Bon, moi, comme d'autres camarades, on connaît très très peu les maisons des autres. Moi, je suis tout con, hein. Vous mettez dans la baraque le studio, l'appartement de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression de découvrir un autre univers, hein. Parce qu'en fait, c'est très très peu fréquent qu'on puisse aller chez les autres personnes. Et ça paraît, enfin, on est en 2021. Et ça paraît aberrant qu'on en soit encore à vivre des choses très simples, qui est le lien humain, se rendre chez quelqu'un ou... Voilà, on parle beaucoup de l'accessibilité, mais à juste raison, quoi, vouloir se rendre avec son entourage amical ou intime dans des lieux, c'est constamment, constamment questionner si ça va être accessible, en fait. Et encore une fois, souvent, il y a l'accessibilité d'entrée, et en fait, on a tendance à imaginer que ça. Et il y a toute une accessibilité à l'intérieur, en fait. L'accès aux toilettes... pour des personnes sourdes, des malentendantes, qu'est-ce qu'il va y avoir comme système d'interprétariat, etc. Quoi. Du coup, c'est absolument partout et c'est loin d'être conscientisé automatiquement. Conscientisé à la fois, non conscientisé par les individus, mais aussi une responsabilité à ce moment-là des pouvoirs publics, bien vraiment sûr. À une échelle plus nationale. Par exemple, si on prend l'accessibilité des logements, il y avait une promesse de rendre accessible 100% des nouveaux logements qui a été baissée à 20%, donc il y a aussi une non-prise de décision des pouvoirs publics. Quand vous dites promesse, moi j'entends vraiment hypocrisie, parce que les trois quarts des promesses en matière d'accessibilité, elles sont jamais réelles en fait. Mais si on ne conçoit pas la personne handicapée comme quelqu'un ayant une vie et ayant un besoin digne d'autonomie, voilà, on ne va pas imaginer qu'elle a besoin de se rendre chez ses amantes, chez ses potes, d'aller parfois travailler chez des collègues pour finir un boulot de rédaction, etc. Ça part du principe de voilà, concevoir qu'on... Je ne sais pas des fois ce qu'il y a dans la tête des pouvoirs publics par rapport au handicap, mais qu'on doit être des êtres... des êtres primaires descendent de Tamagotchi. Il faut voilà, juste nous nourrir, nous habiller, nous emmener des féquilles urinées, et puis le reste, c'est le reste, peu importe en fait. C'est la conception qu'on ait une vie, des projets, qu'on ait droit à l'erreur aussi. L'erreur, c'est aussi l'idée de toujours de vouloir nous surprotéger, nous infantiliser. Moi, je sais que voilà, c'est quelque chose que je discute beaucoup avec, avec mes assistants de vie, dont leur première conception est « il ne faut pas que je me perde dans la rue, il ne faut pas que je prenne un mauvais transport en commun, il ne faut pas que je me trompe en faisant de la bouffe, etc. » Il y a vraiment l'idée que même à 42 balais, je serai toujours un enfant et qu'il va falloir me guider sur absolument tout, en fait. Et le droit à l'erreur, moi, j'en ai vraiment besoin pour apprendre, en fait. Mais on en est très loin, et au niveau de l'accessibilité, c'est une catastrophe, parce que ça bloque énormément de possibles, énormément de projets, en fait, énormément. Là, je sais pas, avec ma partenaire, on ne serait-ce que chercher une petite location pour partir en week-end, pas très loin, même pas, je veux dire, dans la région... Je sais pas, c'est faire le double, le triple plus de recherches, d'annonces, de demandes, hein, parce qu'il y a très peu d'endroits accessibles, en fait. Quoi. Je débloque au centre, avec mes parents. Je bloque quand je suis angoissé. Je me sens seul, et je m'enferme. C'est rigolo. Mais c'est salaud. C'est accessible chez vous ? C'est accessible, la maison de la radio ? Ah, là oui. C'est accessible. Là oui, ok, ça c'est bien, d'accord. Mais moi si je prends mon immeuble par exemple, non. Bien sûr, ouais, ouais. Et je pense que voilà, c'est aussi, là, je vous dis vous individuellement, mais si vous regardez votre entourage, si vous regardez... je veux dire, c'est pas dur aussi en... C'est pas si difficile en étant une personne valide de regarder en fait son entourage. Et pour moi, c'est déjà une première question qui est intéressante en fait. De ok, si je rencontre un collègue, une collègue ou un pote handi, chez qui dans tout mon entourage il va pouvoir aller en fait. Et on se rend compte quand c'est ça que c'est vraiment vraiment minoritaire quoi. Et voilà, ça pose des questions sur se rencontrer aussi, lié humainement quoi, avoir des liens humains, c'est bloqué d'emblée avec ça quoi. Donc 12 octobre 2021, Twitter. Atroxa et Crash. Hashtag nous élèves Andy. Hashtag nous étudiantes Andy. Nous en avons marre. Marre de votre complicité, de votre passivité. Vous détruisez des milliers de personnes dans vos bahuts et facs. On en crève. Il vous faut quoi maintenant ? Une grève ? Le hashtag nous élèves Andy a été lancé en soutien à Julie, étudiante noire et handicapée, discriminée par l'université Descartes. 14 octobre 2021, Twitter. @chamorro5elena. Hashtag nous étudiantes Andy. Lorsque j'ai passé l'agrégation, j'avais bien évidemment pris la précaution de faire le nécessaire pour anticiper l'accessibilité. Il y avait finalement 3 marches pour aller aux toilettes. Puisque je composais seule dans une salle, on m'a proposé un saut. 14 octobre 2021, Twitter. @CélineBeuf. Hashtag nous étudiantes Andy. C'est devoir demander chaque année les mêmes aménagements, des fois que j'ai retrouvé la vue entre 2 sessions de partiel. Emoji triste. Ce ne sont pas nos maladies ou nos différences qui nous empêchent intrinsèquement de participer à la vie sociale, d'être des citoyens finalement comme les autres. Ce sont bien toutes les barrières. Odile Morin, présidente de l'association Handisocial. Moi, il y a un petit exemple que je prends souvent, que je trouve assez représentatif, c'est la question du port des lunettes. Si on interroge... aujourd'hui, la majorité des gens qui portent des lunettes et qu'on leur demande s'ils sont handicapés, ils répondront que non. Et pourtant, si on retire leurs lunettes à toutes les personnes qui en portent, elles seraient réellement en situation de handicap. Simplement, la société a, en France, pourvu à des solutions. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir des lunettes, donc on peut vivre normalement. Et si on fait un parallèle avec le fauteuil roulant, avec les orthèses, les prothèses, voilà, on n'a pas accès facilement, on attend... On peut attendre 6 mois, 1 an pour avoir un fauteuil roulant, pareil pour une prothèse, et je ne vous parle pas des accompagnements, des aides humaines et autres. Et puis la question de la manière dont la société est organisée et l'inaccessibilité généralisée de l'espace public, du bâti et de tous les lieux dans lesquels on devrait pouvoir accéder sans aucun problème. Et c'est pas une fatalité, je veux dire, c'est pas quelque chose là contre lequel on peut rien. Ça fait 45 ans que la France produit des lois sur l'accessibilité tout en se gardant bien de mettre en application ces lois. Et donc ça, ce sont des choix politiques. La loi handicap de 2005, dite « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », reconnaît à tout enfant porteur de handicap le droit d'être inscrit en milieu ordinaire dans l'école dont relève son domicile. Elle prévoit notamment l'accessibilité généralisée pour tous les domaines de la vie sociale, éducation, travail, transport et cadre bâti. Jusqu'en 1975, les handicapés n'existaient pas, c'est-à-dire qu'on naissait, on les parquait dans des institutions. Si Jung écrivait. On les planquait dans les familles, on dédommageait les familles et ça s'arrêtait là. À partir de 1975, on a fait une loi protectrice des personnes handicapées, c'est-à-dire qu'on leur a accordé des droits, notamment un certain nombre de droits pécuniaires qui leur permettaient de payer l'autonomie et de payer des aides. Et en 2005, on a inversé la logique et on a dit, bon, on arrête de les protéger. On n'a pas dit ça, on a dit on les protège toujours, mais dans les faits, on arrête de les protéger et ils vont bosser comme tout le monde, ils vont vivre comme tout le monde, ils vont être autonomes et libres. Bon, ça, c'est la loi. Dans les faits, on a effectivement arrêté de les protéger, mais on ne leur a pas donné les moyens de leur autonomie. Pour prendre un exemple très concret, depuis que je suis toute petite, alors quand j'ai eu, 5 ou 6 ans, mes parents ont demandé une carte d'invalidité. Donc j'avais un taux d'invalidité de 100%, puisque sur la déficience visuelle, une acuité visuelle inférieure à 1/20 égale un aveugle, dans la loi. Donc j'ai eu ma carte d'invalidité et mes parents ont reçu un courrier de la direction des affaires sociales de l'époque qui ont dit « Chère madame, cher monsieur, nous avons une place en institution pour votre fille et donc j'avais ma place qui était réservée dans une institution ». Mes parents, qui étaient des grands militants de l'éducation nouvelle, ont dit « Non, non, non, nous on veut pas ». Et donc j'ai été clandestine à l'école publique pendant toute ma scolarité. C'est-à-dire que j'ai été en milieu scolaire ordinaire uniquement parce que mes parents étaient enseignants et qu'ils soudoyaient leurs collègues en disant « Tu prends mes enfants parce que mon frère est dans la même situation que moi ». Moi, je suis une sauvée de l'incarcération, en fait. Hein, Et en 75, donc les choses ont changé. On m'a accordé des droits. Donc, j'ai pu m'inscrire en fac à Paris à 18 ans en 81. J'ai pu bénéficier d'aides pour faire mes études. On me payait des transports adaptés pour aller à la fac. On m'a accordé des tiers-temps pour passer mes examens et tout ça. Et dans ce contexte-là, pour me protéger, on m'a déclaré inapte au travail. Je me prédestinais à passer le concours d'entrée à l'École nationale d'administration, l'ex-ENA, et on m'a dit « Ah mais non, maintenant, vous êtes inapte au travail ». Et il y avait une jurisprudence à l'époque qui indiquait que on pouvait, si on était déclaré inapte au travail, on pouvait exercer l'emploi que l'on souhaitait, mais l'État se réservait le droit de poursuivre votre employeur en considérant qu'il vous exploitait. C'est-à-dire qu'un handicapé, ça travaillait dans un centre d'aide pour le travail, à faire des tâches très répétitives pour un salaire inférieur au SMIC, puisqu'il est moins performant qu'un autre. Un CAT, les fameux. Et moi, les déficients visuels, on faisait plutôt des cosmétiques, des savonnettes, tout ça. Et donc, j'étais destinée à ça. Donc, j'ai été déclarée inapte au travail à 20 ans. Et j'avoue que ça a été un petit peu un choc. Hein, je ne m'y attendais pas. Et comme je suis un peu rebelle, je me suis dit, bon, bah, puisqu'on ne veut pas que je bosse, je ne vais pas bosser. Donc, je suis partie sur un parcours long à l'université. Puis, j'ai commencé à travailler sans travailler. C'est-à-dire, je bénéficiais de l'aide de l'allocation adulte handicapé. Et je me disais, bon, moi, je vis avec ça, je suis pauvre. Mais ça, la pauvreté va bien à ma conscience politique. Donc, j'ai décidé d'être pauvre et de faire les choses autrement. Et pour mes 50 ans... Suite au vote de la loi de 2005, donc sur l'autonomie, la donne a changé et je suis devenue apte à 5%. Donc j'avoue que j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, hein, mais tout ce que j'ai compris, c'est que ça me supprimait 150 euros par mois de ressources. L'autonomie, en fait, supprime des ressources. Et je trouve que ce parcours, de me dire que à 6 ans, on a voulu me placer dans un centre, qu'à 18, à 20 ans, on m'a dit que j'étais inapte au travail, c'est-à-dire que ma situation sociale était inapte. Donc ça, de 20 à 50 ans. Et à 50 ans, je redeviens apte, à un âge où effectivement c'est très facile de trouver du travail, surtout quand on est une femme, quand on est handicapée. Bon, et je suis devenue apte à 5% à l'âge de 50 ans. My life, starting over again, over again. Avant le CLE, on a créé un collectif qui s'appelait Non Report. Elena Chamorro. On l'a fait en 2014. Membre du CLE. Collectif lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation. Pour dénoncer le recul et le report du volet accessibilité de la loi de 2005. Bon. Et je pense que c'est à ce moment-là que collectivement, on a utilisé le terme validisme pour la première fois, de façon timide au départ. Parce que, voilà, on cheminait aussi ensemble sur... Peut-être que je parlais de discrimination, que je parlais de... Mais je n'avais pas mis un terme qui identifiait un système d'oppression qui s'adressait aux personnes handicapées en raison de leur handicap, quoi. Quand j'ai découvert le concept de validisme, c'est pas un terme, ça a été comme une révélation qui d'un coup éclairait des intuitions, des vécus sur lesquels je n'avais pas pu... mettre justement des mots et surtout me rendre compte que d'autres avant moi avaient théorisé ça et que c'était un système et que c'était structurel et que c'était... Moi, je suis devenue handicapée en 94, donc ça fait très très longtemps. Quand vous devenez handicapée, c'est, je sais pas, je disais, c'est comme quand vous perdez votre boulot, on vous dit allez à la MPE... nous, c'était aller à l'APEF, quoi. Moi, c'est un monde qui m'était complètement étranger. L'APEF, c'est l'Association des paralysés. L'Association de paralysés de France, oui, pardon. Donc, les associations gestionnaires d'établissements, tout ça. Moi, évidemment, j'étais déjà quand même un peu politisée. J'étais une personne ancrée à gauche. Ce discours un peu charitable, tout ça, me hérissait déjà un peu le poil. Voilà, d'un coup, je ne pouvais pas marcher, mais quand d'un seul coup, vous sortez dans la rue, et je donne toujours un peu cet exemple, ça m'avait frappé, d'une secrétaire qui me serrait la main et qui d'un coup me passe la main dans les cheveux, ou d'un collègue qui m'appelle ma chérie d'un seul coup, alors qu'on n'avait jamais... Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Mais j'avais pas rencontré d'autres personnes. J'ai fait des tentatives de rencontrer d'autres personnes. Le problème, c'est que des collectifs antivalidistes, j'en ai pas... Ça n'existait pas, quoi, je veux dire. C'était un peu une sensation d'irréalité de dire « Ok, je ne marche pas, mais je suis Elena assise. » Du coup, c'est ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui vous a placé autrement dans le monde et qu'il y a une série de représentations, d'attitudes, d'endroits dont vous allez être exclu, d'organisations sociales qui va vous empêcher, vous entraver. Et ça, c'est... Au quotidien qu'on le découvre et qu'on prend conscience et qu'on commence à le théoriser quelque part, enfin le donner une place, une réflexion, avec des allers-retours. Vous diriez que vous avez fait l'expérience justement, oui, d'un déclassement ? Complètement. Enfin, lorsque vous devenez handicapé et que, comme moi, vous êtes indemnisé, voilà, parce qu'il y a des gens qui ne le sont pas, il y en a d'autres qui ont la chance... de l'être, parce que ça coûte très cher d'être handicapé, en fait. C'est le coût du handicap, on en parle, mais c'est surtout pour soi-même. Il y a des experts d'assurance qui viennent et qui vont regarder une cicatrice, la mesurer et chiffrer, en fait, combien ça vaut. Vous êtes dédommagé pour un préjudice pour le mariage, par exemple. C'est-à-dire que vous êtes moins vendable. Un corps handicapé est un corps... d'évaluer qui a perdu de sa valeur dans une optique aussi de production, hein, complètement capitaliste. Enfin, vous êtes déclassé, vous êtes aussi déchu de vos droits. Voilà, ça va peut-être ensemble. Mm. Charlotte Puiseux, autrice du dictionnaire CRIP. Dans mon dictionnaire, je donne une définition du validisme, et du coup, je le définis donc comme un système d'oppression, et qui du coup discrimine les personnes catégorisées comme handicapées selon des normes médicales et qui du coup ensuite institue un système de valeurs entre les personnes définies comme handicapées et celles qui ne sont pas des vies qui valent moins que celles des personnes dites valides, quoi. Le fait de pas pouvoir rentrer dans un magasin, être discriminé à un entretien d'embauche, pas pouvoir trouver un logement, des choses qui ne sont pas des choses anecdotiques au sens où c'est quelque chose qui se reproduit de façon récurrente pour toutes les personnes handicapées. C'est là où on voit vraiment le côté systémique, en fait. C'est une expérience collective. Mm-mm. Et c'est surtout une expérience collective de domination, quoi. C'est-à-dire que c'est le fruit de politiques pensées par et pour les valides qui, du coup, organisent le monde pour elles, en fait. Donc, le validisme, c'est vraiment... ça vous empêche d'aller à l'école, de travailler, d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie amoureuse. Faudrait prendre, en fait, votre vie quotidienne et vous imaginer empêché dans tout. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Jeanne. Aussi, je veux un bisou. Lisa Rojas, Daniel Schneiderman, vous avez écrit au Nouvel Observateur, France 5, qui a publié votre lettre, 2004. Et vous dites, comme chaque année, je vais encore m'énerver toute seule dans mon coin devant le Téléthon. Et vous parlez du ramassis de compassion et d'hypocrisie que charrie cette émission. Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'ai écrit ce courrier pour essayer d'expliquer ce que je reprochais au Téléthon. Je m'insurgeais contre à la fois le principe même qui consiste à financer la recherche médicale par des fonds privés, parce qu'il me semble que ça relève de décisions publiques et que ça devrait être une priorité en termes budgétaires publics. Enfin, on paye des impôts pour qu'ils soient répartis dans ce qui bénéficie à toute la collectivité. Et si on considère que la recherche médicale est importante, et elle l'est, et ben dans ce cas, il est logique que les fonds suffisants y soient alloués. Par ailleurs, la difficulté, c'est que, comme il s'agit de convaincre les gens de donner de l'argent, ce qui n'est jamais simple, il y a tout un discours qui est construit autour de la maladie et du handicap, qui est extrêmement misérabiliste et sur le long terme, à mon sens, nocif pour les personnes handicapées. En 2004, moi j'étais toute seule. Enfin, il y a eu peut-être d'autres personnes qui s'étaient exprimées, mais en tout cas, sur le plan médiatique, c'était la première fois qu'une personne qui était concernée et par le handicap et par une maladie génétique donnait son avis sur le Téléthon, et un avis qui tranchait avec ce que les gens avaient l'habitude d'entendre, parce qu'ils ont l'habitude de penser que toutes les personnes handicapées soutiennent cette initiative, en fait. Bon, après, évidemment, ça n'a pas fait disparaître le Téléthon. On est dans une société où le handicap est perçu de façon très, très, très médicale. Donc, on grandit vraiment là-dedans. Et enfin, moi, comme je vous dis, j'ai un handicap de naissance. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai perçu depuis que je suis toute petite. Hein. J'ai été tout de suite très vite médicalisée. Les suivis à l'hôpital, les médecins, etc., la rééducation, les kinés, tout ça, quoi. Et avec ça, même si ma famille n'était pas très... mes parents ne se sont jamais trop investis dans des associations, etc. Au début, quand même, avec l'annonce du handicap, ils ont été chercher de l'aide dans une association assez connue qui s'appelle l'AFM, qui est notamment connue pour le Téléthon. Donc l'AFM, c'est est-ce que vous pouvez dire ? L'Association française contre les myopathies. À l'époque, on est en 87, c'est le premier Téléthon, justement. Mes parents, ils découvrent le Téléthon à la télé, avec des enfants qui ont la même chose que moi. C'est vraiment une lueur d'espoir de comprendre ce qui m'arrive, de trouver de l'aide par rapport à ma situation. Donc c'est vraiment la première fois qu'on voit en France, en tout cas à la télé, des enfants, voilà, comment. Ces enfants-là, on n'en parlait pas, on les cachait, on les laissait mourir dans des institutions spécialisées. Donc forcément, là, tout d'un coup, on les voit à la télé, grand public, ça crée un peu un électrochoc pour mes parents, notamment pour les personnes, les familles concernées par ces maladies, forcément. Le Téléthon, c'est une image très caritative et qui dépolitise totalement la question du validisme, parce que c'est une émission qui s'appuie sur des ressorts très inspiration porn, comme on dit. Mise en scène. Voilà. Le mythe des super handicapés, cette idée de mettre... déjà de déshumaniser en fait les personnes handicapées, que ce soit en positif ou en négatif, mais les faire sortir d'une condition humaine classique, ça serait soit des personnes qui sont totalement ratées, ou soit au contraire on les présente comme des super héroïnes, mais avec l'impact que ça a de dire en fait derrière que si vous n'arrivez pas à faire comme elles, c'est que vous êtes nuls, en fait. Il y a tout un discours derrière cette mise en scène de la super-héroïne handicapée qui est très problématique. En fait, on donne des injonctions aux autres personnes handicapées qui ne font pas, qui sont quand même une grande majorité, qui ne font pas de super exploits. On leur dit, si vous voulez, vous pouvez. Donc c'est un discours hyper culpabilisant, en fait. Donc j'ai participé au premier Téléthon, comme je dis, j'ai fait ma petite affiche du Téléthon en 92, je crois, j'avais 5 ans. Donc vous étiez la figure, en fait, à ce moment-là. Oui, voilà, c'était là, j'ai fait l'affiche du Téléthon. Oui, et puis à cette époque, on y va tous les ans, on est sur plateau. Pour la petite anecdote, c'est vrai que quand j'entends la musique du Téléthon, cette musique, elle me donne toujours des larmes aux yeux, en fait. Je sais pas, c'est quelque chose de très émotionnel, instinctif. Je pourrais même pas vraiment l'analyser, mais en fait, je pense que oui, ça me renvoie à ce qu'on a pu vivre quand j'étais petite, qui a fait partie de nos vies. La FM, comme je vous dis, a soutenu mes parents. Donc après, tout ça, l'idée que le Téléthon dépolitise le handicap, etc., ça vient beaucoup plus tard dans ma vie. I want choices and rights. Choices and rights. On intègre le fait qu'on n'est pas efficient. Moi, j'ai très très mal vécu Odile Morin. L'impact que ça a eu sur ma vie professionnelle, enfin vie professionnelle, quasi non-vie professionnelle. Bon, d'abord, pendant des années... mes situations de handicap étaient mal connues, mal comprises. En plus, mon état était fluctuant et j'étais dans la logique de demain ça ira mieux et demain j'arriverai à faire ci et j'arriverai à faire ça. Et j'ai essayé pendant des années de me conformer à la demande de la société en m'adaptant au système et en me culpabilisant de ne pas réussir à ne pas être souvent malade, à ne pas être trop fatigué, à ne pas être... je pensais que c'était un manque de volonté de ma part, et en plus c'est ce que me renvoyait une partie de mon entourage. Alors que, avec le recul, je me rends bien compte que je pense que j'ai donné beaucoup plus que beaucoup de gens pour essayer de continuer à travailler, et j'ai extrêmement mal vécu d'être écarté de la vie sociale, parce que c'est ça quand on te retrouve sans activité professionnelle, outre l'impact financier que ça a, il y a toute cette question d'être mis à l'écart, d'être considéré comme incapable, et puis moi je mets énormément de temps à faire les choses. Maintenant je sais que les difficultés cognitives que j'ai sont liées à mon autisme, mais je sais que je suis autiste depuis 4 ans seulement. Pendant des années je savais que j'étais une martienne, je savais que j'étais pas comme tout le monde, mais je savais pas pourquoi. Et j'ai essayé de me conformer effectivement à un système qui, lui, s'adaptait pas du tout à moi, quoi. Qu'est-ce qui aurait répondu aux besoins que vous aviez à ce moment-là? Déjà, c'est que il aurait fallu que la médecine, effectivement, s'intéresse un peu plus aux maladies rares et ne veuille pas avoir des patients formatés, tous identiques, faciles à traiter. Qu'effectivement, on comprenne plutôt quelles étaient les difficultés. Typiquement, il aurait fallu que je puisse travailler à temps partiel, que j'ai des périodes de repos, que je sois aidé, comme je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui, on me dit, mais t'es hyper dynamique. Oui, mais j'ai des gens qui m'aident à domicile matin et soir, qui m'aident à organiser, à, à gérer le temps, puisque j'ai des problèmes de gestion du temps, et qui m'aide pour toutes les tâches, tous les actes dits essentiels de la vie quotidienne, hein, m'aider pour m'habiller, pour me laver, pour manger, pour tout ça. Et moi, je me suis épuisée à assumer toutes ces tâches dans ma jeunesse et à ne pas comprendre pourquoi je n'y arrivais pas comme les autres, voilà. Moi, je vis à domicile. Zig Blanquer. En ce qu'on appelle en autonomie, en étant employeur direct, via PCH. La PCH est une prestation d'État pour rémunérer des personnes à domicile. Prestation de compensation du handicap. Je vis par le fait de cette prestation-là. Et si elle m'est coupée ou si elle m'est réduite, alors je ne rentre pas dans les détails, mais elle est toujours mise en danger. C'est extrêmement compliqué. Ce qui est mis en danger, c'est donc les aides humaines. Oui, tout à fait, voilà, c'est ça exactement. Donc le fait que vous ayez des personnes, des assistantes ou auxiliaires de vie. Alors sur plusieurs versants, bah, sur cet aspect financier, de comment pouvoir rémunérer les personnes par un budget d'État, une prestation en fait, qui est décidée par la MDPH. MDPH, Maison départementale pour les personnes handicapées. Qui est versée par le conseil départemental. Donc là par exemple, on a deux institutions publiques assez fortes qui sont décideuses de ce que va être la dignité, l'autonomie au quotidien de la personne. Et après, évidemment, il y a le versant du, pour dire un peu tristement, du marché de l'emploi, en fait, de recruter des personnes qui sont volontaires à faire ce travail-là, qui est très mal reconnu, très mal rémunéré, très mal formé à plein d'égards, en fait. Donc, l'autonomie à domicile est fragilisée très fréquemment, en fait. Il y a toujours une sorte de... Moi, je trouve de rapport un peu punitif au niveau du gouvernement, des pouvoirs publics. C'est-à-dire que quelqu'un comme moi et d'autres camarades, je suis loin d'être le seul, on fait le choix d'être désinstitutionnalisés, d'être autonomes à domicile, avec une forme de handicap qui est quand même voilà, très élevée. Moi, je peux bouger quasiment que mon index droit et mon visage. Donc tous les gestes quotidiens sont... C'est une médiation gestuelle qui est faite par... par mes assistants de vie. S'il y a une pénurie d'emploi ou un enchaînement d'arrêt maladie dans mon équipe, tout ça, l'État ne va pas fournir de situation de secours ou de solution, en fait. Il y a vraiment la logique... moi, je le vis comme ça, évidemment, c'est jamais dit frontalement, mais... OK, vous avez fait le choix d'être autonome, vous refusez le système... basique, d'être institutionnalisé, débrouillez-vous en fait, débrouillez-vous par vous-même. Nous, on vous fournit une enveloppe budgétaire qui est, je dirais pas ridicule par rapport à d'autres pays, mais qui est loin de régler toutes les situations qu'on a besoin. Vous débrouillez avec cette enveloppe et voilà, si vous voulez être autonome, débrouillez-vous en fait. Et simplement, si vous estimez que cette question n'est pas trop intrusive, vous devez employer combien de personnes par exemple ? Alors ça dépend du temps de travail que veulent effectuer les personnes, mais grosso modo pour couvrir 24 heures sur 24, c'est autour de 6 personnes à peu près. Donc moi j'essaye d'embaucher des gens que je connais aussi parce que je trouve que c'est très compliqué en fait d'avoir dans ta vie intime. Rizzo, boring. Pour l'instant j'ai pas du tout passé ce cap d'avoir des personnes que je connais pas qui viendraient m'aider dans ma vie, enfin pour moi c'est très compliqué en fait. Mais aussi je me disais en fait moi je vais avoir du mal à voir une meuf qui vient, qui a presque aussi mal au dos que moi et qui va faire ce que moi je peux pas faire parce qu'elle est pas arrivée... Et je sais pas, du coup, c'est oui, ce truc de... on est aidé par des gens qui sont, elles aussi, maltraités, et c'est compliqué. On est de plus en plus à le constater, ça devient vraiment, vraiment, vraiment difficile de recruter des personnes en emploi direct. Mais alors voilà, au niveau de la qualité et de la fiabilité des personnes, c'est loin d'être évident, quoi. Et je blâme pas les personnes qui postulent non plus. Alors évidemment, sur le lot, il y a... des personnes maltraitantes qui ont une forme de validisme, voire parfois d'handiphobie sûrement forte. Mais il ne faut pas se leurrer. Les trois quarts des personnes dans ce métier, c'est souvent des femmes extrêmement précarisées. Et je pense que voilà aussi les métiers d'aide à la personne, c'est notamment la boîte garage de Pôle emploi, quoi. Je pense que pour eux, tout le monde peut s'occuper d'une personne handicapée, mais avec une idée très charitable, ou ce qu'on peut voir dans des films relativement pitoyables, quoi. Ça va être la promener, lui donner la main, lui donner un biscuit de temps en temps, et c'est pas ça, c'est plus complexe. ce rapport aux administrations, en fait, ça prend une grosse place dans nos vies. On doit faire des dossiers à la MDPH, le stress des dossiers, comment on fait les dossiers, les renouvellements, ce qu'on obtient, ce qu'on n'obtient pas, les luttes pour obtenir des choses. Enfin, c'est vraiment une grosse partie, je trouve, de ce qui fait commun, en tout cas, dans les personnes qui ont un handicap, parce qu'on peut avoir des handicaps très différents. Et j'ai un master en sociologie et sociologie de la santé, quand même. Bon, j'étais pas allée, je pensais que j'étais valide, mais je pense que j'étais pas allée par hasard, quand même. J'ai bossé dans la santé communautaire pendant 12 ans. Dans la santé communautaire, j'ai beaucoup été administratrice. Donc j'ai quand même toutes les compétences qu'on attend de moi, tous les outils. Et pourtant, moi, je galère. Enfin, je galère dans le sens où c'est violent, c'est dur. Faut toujours faire face comme ça à cette suspicion. Il y a tous des rapports aux médecins, bon, qu'on apprend en fait au fur et à mesure qu'on voit des médecins. Mais par exemple, les médecins, il y a tout un truc de « faut que l'idée vienne d'eux ». Il y a beaucoup de médecins pour qui ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu sois passif. Dès que t'es trop active, en fait, ils voient ça comme un truc menaçant, manipulatoire. Enfin, en fait, il y a tout comme ça des représentations donc de ce que c'est une bonne patiente, que c'est un bon handicapé, etc. Moi, par exemple, j'ai un handicap qui varie. Il y a des jours où je vais bien et après, je vais passer 4 jours au lit. Le modèle du handicap, il est pas pensé pour des trucs variables, par exemple. Par exemple, moi, je dis, ben, en fait, je fais du vélo. Moi, le vélo, c'est quasiment une de mes aides à la mobilité, quoi. Parce que ça me demande beaucoup moins d'énergie que de marcher. Et du coup, je disais ça à ma médecin, elle me disait, oh, dites-le surtout pas au médecin qui va décider de votre dossier, il va pas comprendre. Enfin, en fait, faut aussi beaucoup simplifier nos réalités, parce que eux, ils ont une représentation de ce que c'est une personne handicapée qui peut pas être complexe, quoi. En plus, du coup, ça te met dans une position où toi aussi, t'as l'impression d'être en train d'être dans des stratégies, de mentir, de... alors qu'en fait, tu mens pas. Enfin, moi, j'aimerais bien dire que je fais du vélo, ça enlève rien au fait que je suis vraiment handicapée. Mais du coup, t'es comme ça dans un état où, en fait, t'es obligé d'être un peu stratège, juste parce qu'il faut que tu répondes le mieux aux attentes. En fait, t'es comme ça, t'es sur le grill de gens qui ont des grosses représentations, et il faut que t'y correspondes tout en disant ta réalité. Et j'ai l'impression que ça, c'est des trucs, par exemple, quand on parle avec d'autres personnes qui sont malades chroniques ou handicapées, c'est vraiment des savoir-faire qu'on a en commun. Enfin, ce qui fait communauté entre nous, c'est quand on parle des médecins, quand on parle des administrations, enfin là, c'est sûr qu'on a un savoir-faire et des stratégies aussi à se donner, des conseils qui sont vraiment précieux, en fait. Et en même temps, du coup, il y a ce truc-là, et en même temps, je sens que moi, mon statut social, il m'aide aussi. Il y a des gens qui se font massacrer, en fait, par tous ces services-là. C'est sûr que les enjeux de classe sont très forts. Dans le livre de Édouard Louis, là, qui a tué mon père, je trouve que c'est assez flagrant de dire son père, il a un accident du travail. Bon, il vient d'une classe très populaire. Il a un accident du travail et il se retrouve dans des trucs de RMI à comment il va retrouver un emploi, alors qu'en fait, il relevait pas du tout ça. En fait, il aurait dû être en invalidité. Après, quand tu vois les médecins que tu te cognes à la CPM, bah, tu te dis, bah oui, en fait, des gens comme ça, ils les remettent au travail. Il y a tout le truc aussi de vouloir nous faire travailler, qui est aussi là, beaucoup, Macron, il est à fond là-dedans. Enfin là, la politique du gouvernement vis-à-vis du handicap, c'est de dire on va payer des entreprises pour qu'elles embauchent des handicapés. Enfin nous, on a besoin d'un revenu, on n'a pas besoin d'un travail. Enfin il y a des gens qui veulent travailler, tant mieux. Enfin c'est super. Mais en vrai, c'est pas ça dont on a besoin, c'est un revenu en fait. Et du coup, on va nous dire qu'on est capable de travailler. Enfin je veux dire, on est capable de travailler de quoi? Enfin c'est déjà très dur pour des personnes valides d'avoir accès à l'emploi avec un chômage massif. Et on va dire non, mais vous aussi, allez-y. Allez-y, rien du tout. Enfin, je veux dire, et du coup, on va remettre sur le travail, au travail. En tout cas, on va pas leur donner tous ces droits qu'ils ont, en fait. Par exemple, le droit à l'invalidité. Et on va les pressuriser pour qu'ils aillent avoir des boulots de merde. La manière dont sont organisées les MDPH, où finalement, l'État a délégué aux collectivités départementales la gestion du handicap sans lui en donner réellement les moyens. Il faut savoir, par exemple, que pour la prestation de compensation du handicap, en 2005, la CNSA et l'État devaient financer 50% des dépenses de PCH des départements. Aujourd'hui, il en finance 25%. Ben, qu'est-ce que font la majorité des départements? Ben, ils réduisent les droits des personnes pour que leur part à eux n'augmente pas. Le problème, c'est d'avoir choisi de faire que celui qui paye soit aussi celui qui évalue. Donc, effectivement, les personnes handicapées payent les économies que se renvoient l'État et les collectivités sur notre dos. Il n'y a pas d'utopie, enfin je sais pas, même dans les... Je sais pas, quand on réfléchit à l'utopie féministe, on se dit il y aura un partage des tâches, l'utopie communiste, l'utopie... Enfin, en fait, on réfléchit à un partage du travail et en fait, on réfléchit très rarement en fait aux besoins des personnes en situation de handicap ou en fait âgées, qui sont aussi des personnes souvent en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est des administrations pour avoir des aides, qui sont des aides voilà, qui sont des personnes précaires, qui viennent chez toi, qui sont des femmes, qui se cassent le dos à venir t'aider. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça fait pas rêver. Hein. Enfin, je veux dire, ça fait, moi, ça me fait chier personnellement d'avoir besoin de passer par là. Mais en tout cas, ouais, il y a pas, on se dit pas, tiens, c'est quoi le monde après la révolution anti-validiste, quoi. Je veux dire, on n'a pas de pensée d'organiser le travail en prenant en compte ça, en prenant en compte un partage en fait et une entraide qui serait pas une entraide individuelle de demander de l'aide, mais qui serait prévue comme un quelque chose de collectif, quoi. Il n'y a même pas une pensée de ça, quoi. Il n'y a même pas une science-fiction de la révolution anti-validiste, quoi. L'important, c'est de participer. Mais je ne suis pas là pour participer. Je veux gagner. J'ai pas l'habitude de perdre. En compétition, les arbitres disent hippon. Ils sont en costume Louis Vuitton, avec leurs chaussures de ville. Et moi, je suis en kimono, avec une ceinture orange. Bientôt, ce sera la verte. Il faut gagner pour ça, des médailles. Je salue l'adversaire. Le combat commence. L'arbitre observe 3 minutes. Fin du combat. C'était Empêchement organisé, avec Noenger, Zig Blanquer, Elena Chamorro, Rizzo Borin, Elisa Rojas, Odile Morin et Charlotte Puiseux. Le lecture, est Sarah Webb et Marc Colmar. Prise de la son, Fabien fois, Gosset, Olivia Branger, Nicolas Mathias, Patrick Muller, Alexandra Bergel et Bruno Mourlan. Documentation Radio France, Antoine Vuillaz, Anne-Lise Signoret. Attaché de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Perrine Carpent. Merci à Rizzo Borin pour ses conseils et son écoute critique. Handicap, la hiérarchie des vies, une série documentaire de Clément Salza, réalisée par Assia Khamid. Mais avec ma technique, je trouverai une solution. Je regarde pas, je fais, c'est tout. Si je perds, je serai dégoûté, mais je continuerai, j'irai jusqu'au bout. La compétition, c'est emblématique, c'est charismatique, c'est athlétique. Quand je cours, je me sors du commun. J'ai le sentiment que ça bouge dedans. Quand je gagne, je suis sur le toit de l'Europe. Je suis tout déchiré, comme une boulette de papier. C'est la forme olympique qui est en jeu. J'ai une espèce de sentiment régulier qui se profile.